Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau, ça vous dit quelque chose, ça? Non. Papineau, la tête à Papineau, non? Non. Non. Papineau, c'est le poète, si vous voulez. Celui qui, au moment où c'était pas encore possible, a pu rêver de grandes choses. Il s'est battu pour le Québec. Noir, un Québec souverain, puis... Il n'a pas pu y échouer. Je crois que j'en ai entendu parler. Vous avez entendu l'expression, au moins la tête à Papineau. Oui. Eh bien, c'est une grosse tête. Louis-Joseph Papineau, nationaliste, républicain, quel objectif va poursuivre politiquement Papineau durant sa carrière? Dans quelle mesure planifiera-t-il les rébellions de 1837 et 1838? Que retiendra l'histoire de Papineau? Ce qu'on vient d'entendre peut nous inquiéter. Et qui est donc cet homme à l'intelligence si vive qu'on invoquera son nom lorsque l'on se retrouvera devant une idée simple et facile à comprendre en disant justement qu'il ne faut pas la tête à Papineau pour comprendre? Yvan Lamonde, vous êtes professeur émérite d'histoire et de littérature à l'Université McGill. Vous venez tout juste de publier un de vos nombreux livres, « Fais ce que doit, advienne que pourra, Papineau et l'idée de nationaliste ». Merci d'être avec nous, Monsieur Lamonde. Un plaisir. On va parler beaucoup dans cette émission des idées de Papineau. On va rentrer dans la tête pour rester dans le thème de Papineau. Mais d'abord, un mot sur l'homme. Décrivez-nous un peu son parcours. Qui est Louis-Joseph Papineau? C'est l'homme probablement le plus important au plan politique de la première moitié du 19e siècle. Il naît 3 ans avant la Révolution française, en 1786. Il meurt en 1871, ce qui fait une assez longue trajectoire. Il est le fils de Joseph Papineau, qui a donné son nom, lui, Joseph, à la rue Papineau. Et il est député, Louis-Joseph, à compter de 1808. Il deviendra le chef du Parti canadien et du Parti patriote en 1817. Il devient le président, si vous voulez, l'orateur de la Chambre d'Assemblée en 1805. C'est donc lui qui mène à la fois le Parti patriote et qui mène à la fois tous les débats parlementaires jusqu'aux rébellions. Il doit s'exiler aux États-Unis en décembre 37. En 39, il s'exile à nouveau en France. Il revient en 45, revient comme député en 47, mais quitte la vie politique en 54 pour s'adonner à la construction de son manoir à Montebello, et il meurt en 1871. Parce qu'il est seigneur, ça aussi, on y reviendra, parce que il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Peut-on être républicain et seigneur à la fois? Ce sera le cas de Papineau. Parlons donc de ses idées à Louis-Joseph Papineau. Le nationalisme chez Papineau d'abord, vous le disiez, il sera à la tête de ces rébellions de 1837-38. L'histoire, parfois, on y reviendra un peu plus tard, mais déforme un peu la réalité. Mais le nationalisme, d'abord, chez Papineau, on en parle tout de suite après cet extrait de Fernand Ouellet, l'historien Fernand Ouellet, dans une entrevue qu'il accorde en 1987, où il parle de ça, M. Lamonde. Papineau parle de république, de démocratie. On serait tenté de dire, bon, c'est un libéral, hein, c'est un démocrate. En réalité, c'est parce qu'il sait fort bien que la majorité des voteurs est canadienne-française. Sa préoccupation, c'est la nation. Mais c'est une nation qui doit devenir indépendante, mais il ne faut pas faire de changement dans les structures internes. En somme, on veut l'indépendance, mais on ne veut pas abolir le régime seigneurial. On veut l'indépendance, mais il ne faut pas abolir la coutume de Paris, qui est la façade juridique du régime seigneurial. On veut l'indépendance, mais il ne faut pas toucher non plus au pouvoir du clergé, pas parce qu'on ne voudrait pas y toucher, mais parce que si on touche au pouvoir du clergé, il faut toucher au pouvoir des seigneurs. C'est dangereux. Alors, Yvan Lamonde, comment définir le nationalisme de Papineau? Je pense que Papineau a, dès le début des années 1820, a été clairement favorable à l'émancipation de la colonie de la métropole britannique. Ça, c'est sa première idée. Oui. Quand on parle du nationalisme, d'abord, il y a ça. Le nationalisme, pour lui, c'est que les francophones qui vivent au Bas-Canada se détachent, coupent le lien avec le pouvoir colonial anglais. Tout à fait. Comme la majorité des colonies d'Amérique que Papineau connaît à l'époque et qui ont fait leur indépendance. Et comme beaucoup de pays qui, dans les années 1830 en Europe, au moment de ce que l'on a appelé l'éveil des nationalités, des pays donc qui vont, comme la Grèce, l'Italie, la Pologne, l'Irlande, vont chercher à faire leur indépendance. Alors donc, Papineau, il est favorable à l'émancipation. Longtemps, il est favorable à cette émancipation, mais par la voie constitutionnelle, oui. C'est-à-dire utiliser les libertés que permet la Constitution anglaise, et surtout en s'appuyant sur la Chambre d'Assemblée. Alors, il va miser là-dessus, sur la partie démocratique de la Constitution, face au Conseil législatif qui, lui, est nommé par le gouverneur, et face aussi au gouverneur qui représente la royauté dans la colonie. Et lorsqu'on arrive en 37, là, le défi est de savoir quelles sont les stratégies qui pourront accélérer cette émancipation à l'intérieur des forces de résistance qui existent. C'est intéressant. Il y a peut-être une première contradiction chez Papineau, c'est-à-dire il veut que ce peuple, les Français du Bas-Canada, se détachent du pouvoir colonial anglais, mais au début, il ne rejette pas finalement encore le système britannique, le système parlementaire britannique. Il va faire des demandes à Londres. Il est plutôt au début dans une optique de négociation, d'exercer de la pression sur Londres. Ces fameuses 92 résolutions, par exemple, de 1834, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il demande en 1834? Il faut bien voir les 92 résolutions comme étant un peu comme les cahiers de doléances en France au moment de la Révolution française. Ces 92 résolutions, ce sont, si vous voulez, 92 aspirations, 92 demandes. Et lorsqu'on est rendu en 1834, on demande que le Conseil législatif, qui est fait d'individus nommés par le gouverneur et donc et qui ont constamment bloqué les lois votées par la Chambre d'Assemblée qui, elle, est élue, ben, dans ces 92 résolutions, une des demandes réitérées, c'est que le Conseil législatif devienne électif. C'est-à-dire que comme le Sénat, dans certains États des États-Unis, dans certains États de l'Est, les sénateurs sont élus. Et donc là, il faut voir, M. Beauchamp, il faut voir une escalade dans les stratégies et une radicalisation dans les demandes. Parce qu'il faut bien voir que demander le Conseil législatif électif, c'est carrément dire « nous optons dorénavant pour un système républicain » à la manière des États-Unis et nous ne voulons plus de ce Conseil législatif comme la Chambre des Lords en Angleterre. Et ça, c'est déjà présent, donc, au moment de ces 92 résolutions. Il est déjà... Quand est-ce que ça se fait, ce virage républicain chez Papineau? 1831. Après avoir séjourné à Londres en 1823, il voit les limites de l'intérêt de la métropole pour ses colonies. Il voit les limites de l'état d'avancement social de l'Angleterre qui est en pleine révolution industrielle. Et à compter de ce moment-là, ses attentes diminuent singulièrement à l'égard de ce que la métropole pourrait, ce à quoi la métropole pourrait consentir. Il est choqué aussi, il y a des passages dans ses lettres qui en témoignent bien, dans ce voyage, qui va être déterminant, son voyage à Londres en 1823. Il est choqué par ce qu'il voit en Angleterre même, la grande difficulté, l'inégalité sociale énorme dans ce pays. Vous avez tout à fait raison, Jacques. C'est exactement ce qui lui fait comparer la situation en Angleterre, en France et aux États-Unis. Et c'est ce souci d'égalité sociale en sus du système républicain où les sénateurs sont élus, c'est cette conscience de l'inégalité en Angleterre qui lui font penser que le modèle américain est à long terme est plus intéressant. Et il ira très loin, vous en parlez dans votre livre, Yvan Lamonde. On le voit beaucoup comme un père de la nation, pratiquement Papineau. La rébellion de 1837-38, certains voient chez lui un indépendantiste, mais il va très loin dans son désir d'un système républicain au prix, et ça c'est moins connu, me semble-t-il, de renoncer peut-être à une partie importante de la culture et de la langue. Oui, c'est ce que révèle la correspondance de Papineau que j'ai éditée avec Georges Aubin et son épouse, Renée Blanchet. Cette correspondance, il faut le rappeler, Jacques, que cette correspondance, elle est restée dans les archives jusqu'il y a 15 ans. Et donc, que l'on méconnaisse cet aspect de Papineau, c'est tout à fait compréhensible. Oui. Je n'ai fait que découvrir et analyser cette correspondance qui fait voir que le Papineau nationaliste que toutes les fractions du nationalisme ont tiré de leur côté depuis 1871, ce Papineau nationaliste, ça ne correspond pas à la réalité. Oui, il est favorable à l'émancipation. Oui, il a développé des stratégies plus radicales au moment des rébellions, par exemple le refus d'acheter des biens importés, une espèce d'arme économique pour tarir les sources de revenus de la métropole dans la colonie. Parce que c'est un tacticien avec les subsides, avec ce que vous venez de décrire. Puis c'est intéressant, on a un extrait justement là-dessus, précisément, cette espèce de nationalisme économique, cette arme de l'économie face à la métropole, extrait d'une lettre de Papineau. C'est en 1837, en fait. C'est un discours qui est lu, qu'on va entendre. « Former des associations de paroisses. » Rendez-les les plus nombreuses que vous pourrez. Dites aux divers marchands que vous donnerez la préférence aux produits canadiens et américains. Ils deviendront les dépositaires de nos fabriques et de celles de nos voisins, au lieu de celles d'outre-mer. Multipliez nos troupeaux pour avoir plus de laine, notre bétail pour le manger, pour bonifier la terre, pour tanner plus de cuir, et avoir plus d'artisans qui mettront en œuvre des produits plus abondants. Semez plus de lin pour avoir plus de toile et pour occuper utilement, pendant nos longs hivers, nos industrieuses et jolies concitoyennes, les entendre gaiement chanter au métier et nous aider à franchir le pays de taxes arbitraires. Donc, s'appartenir, Yvan Lamonde, s'appartenir économiquement, faire mal au pouvoir colonial qu'on conteste à Londres, mais en même temps, en commençant à en parler ensemble, peut-être se joindre aux États-Unis. Avec ce que ça veut dire, ce que ça voudrait dire sur le plan linguistique et culturel. Oui. Papineau regarde du côté des États-Unis depuis le début des années 30. Il en parle dans cet extrait d'ailleurs. Boycottons l'Europe, en fait, le pouvoir colonial anglais, mais achetons québécois ou américains. Oui. Faisons même de la contrebande. C'est explicite. Mais Papineau regarder du côté des États-Unis dans les années 1830. Et en 1849, Papineau est favorable à l'annexion du Canada aux États-Unis. Pourquoi? Lui qui a mené les luttes constitutionnelles depuis 1815, lui qui a vu l'échec de toutes les demandes faites à l'intérieur de l'approche constitutionnelle, lui qui a vu l'échec de la résistance de 37, qui a vu l'échec de la rébellion de 38 faite à partir des États-Unis, qui vient de voir l'échec de la demande d'abolition du régime d'union que l'on vient de mettre en place pour fusionner le Haut et le Bas-Canada et mettre les députés francophones en minorité, c'est cet homme-là qui, dans une certaine logique, non pas du désespoir, mais une logique qui n'a plus beaucoup de portes de sortie, c'est lui qui est favorable à l'annexion du Canada aux États-Unis. Mais ça, c'est le Papineau de 1849, vous le disiez. Robert Humilly, l'historien, qui nous parle donc de Papineau qui revient de cet exil français. Il sera 8 ans à peu près en France. Humilly qui nous dit « Ce voyage-là, cet exil sera fondamental dans l'évolution de la pensée de Papineau. » Après l'échec, ce qui est moins connu, c'est ce qu'a fait Papineau pendant un certain nombre d'années, pendant 8 ans. Il s'est exilé en France. Il y a séjourné près de 8 ans. Il faut se rappeler les dates, c'est important, c'est entre les deux révolutions françaises de 1830 et de 1848. L'Europe était en effervescence et Paris était le centre de ce mouvement. Papineau a fréquenté le salon du banquier Lafitte, qui était comme lui un grand bourgeois démocrate, salon où se réunissaient des révolutionnaires de tous les pays. Quand Papineau est rentré au Canada, après 8 ans de ses fréquentations, il avait accentué ses idées libérales. Ses idées libérales étaient le mot d'alors, qui avait une force qu'il a perdue. Disons, ses idées radicales, ses idées révolutionnaires, si vous voulez. Au Canada, s'était produit le phénomène contraire. Les esprits avaient évolué vers l'apaisement, vers la conciliation, vers l'acceptation du fait accompli. On n'a pas encore parlé de la rébellion, on va y venir dans un instant, mais en écoutant cet extrait, Yvan Lamonde, la question qui me vient, est-ce que Papineau n'a pas raté son rendez-vous avec l'histoire? Je ne pense pas. Je pense que le Québec a manqué son rendez-vous avec l'histoire et je pense qu'on fait porter à Papineau seul ce rendez-vous manqué. Il est devenu le bouc émissaire de l'inachèvement de la démarche politique du Québec. Mais je pense qu'il n'a, au contraire, Jacques, je pense qu'il n'a pas manqué son rendez-vous avec l'histoire parce que son évolution ultérieure nous dit clairement combien, par exemple, pour le nationalisme québécois contemporain, son expérience de républicain est fondamentale. C'est-à-dire que la souveraineté se fera démocratiquement. Et c'est cela que nous pouvons retenir de la démarche globale de cet homme. Mais en 49, au moment où il contemple, il sera même continentaliste à un moment donné, mais au moment où il contemple cette annexion aux États-Unis, ce que Robert Humilly nous disait à l'instant, c'est qu'il n'est plus, à ce moment-là, il n'est plus du tout en phase avec sa société. Là. Moi, d'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec Robert Humilly sur cette question-là. Monsieur Humilly, qui est français d'origine, me semble survaloriser l'importance du séjour de Papineau à Paris. Il faut lire la correspondance pour bien voir que 3-4 mois après son arrivée en 1839 en France, il est clair pour Papineau qu'il n'obtiendra aucune aide symbolique, diplomatique, financière, militaire. Parce que le gouvernement qui est en place est un gouvernement de bonne entente, de bonnes relations avec l'Angleterre. Alors, parce qu'il essaie de là-bas de réorganiser une riposte. Là. Bien sûr, il essaie de trouver une aide pour la suite. Mais à vrai dire, ce avec quoi il est en phase, c'est le développement dans les Amériques et en Amérique du Nord. La grande république réussie à cette époque, ce sont les États-Unis. Bien sûr, ce qui est terrible est à venir, la guerre civile et toute la question du face-à-face avec l'esclavage. Papineau va être secoué par la guerre civile. Mais je pense que Papineau va opter, différemment de La Fontaine qui va, par exemple, voir dans l'Union du Haut et du Bas-Canada la planche de salut. Essentiellement, ce que Papineau dit, c'est « Personnellement, moi, Louis-Joseph Papineau, je suis contre la monarchie telle qu'on l'a connue en Angleterre. Je suis contre une métropole coloniale comme la monarchie britannique. Et minorité pour minorité, risque d'anglicisation, je préfère que ce soit dans une république de ce côté-ci de l'Atlantique avec les États-Unis. » Bon, on n'a pas encore parlé, on ne peut pas faire une émission sur Papineau sans vraiment parler de la rébellion. Qu'est-ce qui nous y conduit? Est-ce qu'il la souhaite ou est-ce qu'il la subit davantage qu'il ne la souhaite? Beaucoup de gens, par la suite, vont dire de ses contemporains-là, vont dire que Papineau était pour une indépendance forcée, c'est-à-dire qu'on prétendrait forcer l'Angleterre à reconnaître enfin la situation et de concéder l'indépendance. Moi, je vois Papineau comme un homme politique responsable qui a eu constamment souci d'évaluer les moyens de sa politique. L'émancipation, il la voyait depuis 1823-24. Il la voyait à moyen ou long terme, mais toujours en étant conscient des moyens qui étaient disponibles. Hein? N'oublions jamais que Papineau sait très bien que la métropole à laquelle il s'oppose est la métropole qui a battu Napoléon à Waterloo. Mm-hmm. Et donc un pragmatique, très conscient du rapport de force, entre autres. Conscient et responsable. Ouais. Sur quoi peut-il miser? Et quand on a cette vision, on comprend que en 1837, il s'agit plus d'une résistance, parce que si vraiment, entre vous et moi, c'eût été une insurrection, il me semble qu'on aurait eu un peu plus d'armes, mais semble qu'on aurait eu un peu plus d'encadrement militaire, un peu plus d'organisation. Alors donc, il y avait une conscience chez Papineau des limites des moyens disponibles. L'histoire, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de parler du nombre incalculable de politiciens qui se réclament de Papineau, mais qu'est-ce que l'histoire a retenu de cet homme-là et de sa complexité? Bon, je pense qu'on a retenu la complexité, et je pense qu'on a retenu la complexité au-delà d'une possible ignorance historique. On a retenu cette complexité et cette ambivalence parce que l'on se perçoit soi-même globalement au Québec comme complexe, ambivalent et indéterminé. À nouveau, Jacques, je pense que Papineau a été et le bouc émissaire autant de ceux qui s'opposent à lui que ceux qui le voient comme un révolutionnaire. On tire Papineau chacun de son côté parce qu'on tire chacun de son côté selon sa vision, son analyse, ouais, ses aspirations, ses projets. Papineau, pour lui-même, c'est celui-là que j'essaie de restituer par mes travaux. Et dans ses travaux qui sont considérables, ce dernier livre, Yvan Lamonde, Fais ce que doit, advienne que pourra, qui était la devise de Papineau. Donc, Fais ce que doit, advienne que pourra, Papineau et l'idée de nationalité, c'est publié aux éditions Luxe. Yvan Lamonde, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.